Là tu fais la malade, ta maman chez toi elle est malade. Là tu fais la malade, ta maman chez toi elle est malade. Tu bégayes, tu m'arrêtes tes maillots, toi tu racontes des salades. On sait que t'es bien monté, tu racontes des salades. Tu sais que Bombay, juste 1000 euros, tu sais pas compter. Tu fous la honte, ton peu d'argent finit dans le tombé. Je vous passe le salaire, mais maman m'a dit y a des salauds. Je vous passe le salaire. SOS Igome qui pour les sauver. SOS Igome qui pour les sauver. SOS Igome qui pour les sauver. J'ai bu les mots, ils tombent tous comme des dominos.